بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيع عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، لونجا الله en cette nuit du 14 Safar 1442, qui correspond au 30 septembre 2020, on se retrouve sur les ondes de Radio Taqwa pour notre rappel hebdomadaire concernant les actes du cœur. Frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, s'occuper d'amender son cœur et de le réformer dans le bien est très important. Et qu'on ait à l'esprit cette parole et cette noble parole de Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi, qui a dit: le lavage des cœurs chaque jour est mieux que le lavage des vêtements chaque jour. C'est pour ça que le Hassan al-Basri rahimahullah, l'imam Hassan al-Basri rahimahullah, comme il est rapporté par Ibn Abi Dunya dans son livre Muhasabatun Nafs, le Hassan a dit: surveillez ces cœurs, car ils vont vite vers les péchés, et maîtrisez et contrôlez ces âmes, car ils tirent vers le mal. Et si vous aidez vos âmes, c'est-à-dire sur le mal, ils anéantiront toutes vos œuvres. Patientez, endurez, imposez-vous la patience. Ce ne sont que quelques jours. Vous êtes en voyage et vous allez bientôt arriver. Et chacun sera appelé à son temps qui lui a été fixé. Déplacez-vous de ce bas monde et quittez ce bas monde avec ce que vous pouvez comme bonne œuvre. Le but de ces paroles de Hassan al-Basri rahimahullah rahmatan wasi'a, nous aurions de s'occuper de nos cœurs et de nos âmes et de partir de ce bas monde, de quitter ce bas monde avec ce que nous pouvons comme bonne œuvre. C'est-à-dire prendre comme butin ce bas monde et cette vie que nous vivons. Allah Azza wa Jal a donné une grande importance au sujet du cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a clarifié sur les maladies des cœurs. Et nous a clarifié sur les moyens de la bonne réforme des cœurs. Allah Azza wa Jal a cité la situation des cœurs des hypocrites. Qala Azza wa Jal: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. La traduction approximative du sens du verset: il y a dans leur cœur une maladie et Allah a fait croître leur maladie. C'est quoi cette maladie, disent les hommes de science? Le doute, l'hypocrisie. Et Allah subhanahu wa ta'ala a augmenté cette maladie. Et Allah a dit subhanahu wa ta'ala concernant la situation des gens, des gens qui baignent dans les fitanes. قال عز وجل ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. La traduction approximative du sens du verset: afin de faire de ce que j'ai de Shaitan une tentation pour ceux qui ont une maladie au cœur et ceux qui ont le cœur dur. Les injustes sont certes dans un schisme profond. Et Allah subhanahu wa ta'ala a comblé les croyants d'un grand bienfait et d'une grande grâce. قال عز وجل ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset: et il guérit les poitrines des croyants et fera partir la colère de leur cœur. Donc, le cœur a une grande place, a une grande importance dans la vie de l'être humain. C'est pour ça que les savants ont dit que le cœur tombe malade, le cœur meurt, le cœur a des défectuosités. Cheikh l'Islam, rahimahullah, a dit, le cœur meurt avec l'ignorance absolue. Il tombe malade avec une certaine catégorie d'ignorance. Le cœur a une maladie et une mort. Et il a une vie et une guérison. Et puis il a dit, sa vie, sa mort, sa maladie et sa guérison sont plus importants que la vie des corps et de leur mort ainsi que leur maladie et leur guérison. C'est-à-dire que, s'occuper du cœur est beaucoup plus important que s'occuper du corps. Donner l'importance au cœur, à le purifier, à l'amender et à le réformer dans le bien, ceci est beaucoup plus important que s'occuper de son corps. C'est pour ça que le cœur, quand une ambiguïté s'y installe, il renforce sa maladie. Quand une ambiguïté s'installe dans le cœur, il renforce la maladie du cœur. Et s'il obtient une sagesse, une exhortation, ceci est un moyen de sa réforme et de sa guérison. Fin de citation des paroles de Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala. Et il a été rapporté chez l'imam Ahmad, rahimahullah, de Hudayf ibn al-Yaman, qui a dit qu'il y a 4 catégories de cœur. 4 catégories de cœur. Un cœur illuminé, qui est le cœur du croyant. C'est-à-dire ici, illuminé dans le bon sens, dans le bon sens du terme. Illuminé avec la foi, avec les bonnes œuvres, avec l'amour d'Allah, et ainsi de suite. Avec la soumission, l'obéissance. Donc un cœur illuminé qui est le cœur du croyant. Ça c'est le premier. Il y a un cœur enveloppé qui est le cœur du mécréant. Il est complètement enveloppé. Il ne capte plus la vérité, rien. Il y a un cœur à l'envers qui est le cœur de l'hypocrite. Il est complètement à l'envers. Il y a un cœur nourri par deux matières. Une matière qui lui donne la foi et une autre qui lui donne l'hypocrisie. Et ceux-là, ce sont des gens qui ont mélangé les bonnes œuvres avec d'autres mauvaises, les bonnes œuvres avec d'autres mauvaises œuvres. Vous voyez, Hudayf ibn al-Yaman nous montre les catégories de cœur qu'il y a. Le cœur du croyant, qui est illuminé par la foi, par l'obéissance. Le cœur enveloppé, qui est le cœur du mécréant, qui ne capte pas la vérité. Et le cœur qui est à l'envers, qui est le cœur de l'hypocrite. Et le quatrième cœur qui est nourri par deux matières. Une matière qui lui donne la foi, et une autre qui lui donne l'hypocrisie. Et celui-là, ce cœur-là, il est le cœur des gens qui ont mélangé les bonnes œuvres avec les mauvaises. Voyez, ça c'est la situation du cœur. Le cœur des croyants est plein d'amour pour Allah, plein d'obéissance. Il est orienté vers Allah. Et il a mis en avant l'amour d'Allah au-dessus de toute autre chose. Quant au cœur dur, c'est un cœur loin d'Allah. Et ici, on ne parle même pas de la situation du cœur de l'hypocrite et du mécréant. On parle de du cœur dur, c'est certain, croyant. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit, les cœurs les plus loin d'Allah, ce sont les cœurs durs. Lors de cette assise et celles qui vont suivre, lors de cette assise avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés, nous allons traiter un sujet parmi les actes importants du cœur, qui est as-sidq, le fait d'être véridique. Véridique dans les croyances, véridique dans les actes, véridique dans les paroles. Et c'est un sujet dont nous en avons besoin. Il en découle le bonheur des deux demeures. L'être ne peut être sauvé que s'il fait partie du véridique. Et quand on médite la parole d'Allah et la sunna de son messager, on comprend l'importance du fait d'être véridique. On comprend l'importance du sidq. Être véridique avec Allah, être véridique avec les autres. La véracité, c'est un état vers lequel reviennent tous les actes du cœur. Comme le mensonge est un état vers lequel reviennent tous les maux du cœur. Tout bien dans l'apparence et dans l'intérieur de l'être revient à la véracité. Et tout mal dans l'apparence et dans l'intérieur de la personne revient au mensonge. Donc le bien et le mal revient vers ces deux choses, la véracité et le mensonge. Et Allah Azza wa Jal a fait que ce bas monde, c'est la demeure de l'épreuve pour que se distingue le véridique du menteur et celui qui est dans le vrai de celui qui est dans le faux. قال عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. La traduction approximative du sens du verset ألف لام ميم. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nos croyants sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Les savants ont dit, cela veut dire qu'Allah fait apparaître ce qu'il sait d'eux avant la création des cieux et de la terre pour que se distinguent les véridiques des menteurs. Ce bas monde, en Allah et sur Allah Azza wa Jal, est une épreuve pour nous, comme il a été pour ceux qui nous ont précédés, pour que se distinguent les gens de la vérité de ceux du mensonge. Les savants ont dit, et cette épreuve par laquelle se fait cette distinction, se fait par deux choses. La première, les épreuves avec les ambiguïtés qui nuisent à la science et à la croyance de la personne. La deuxième chose, les épreuves avec les tentations qui nuisent à la volonté et au fait d'œuvrer et aux œuvres de la personne. Celui à qui Allah a donné la réussite, en le sauvant des ambiguïtés par ce qu'il lui a donné comme croyance authentique et comme foi bien enracinée, et comme véracité dans la relation avec Allah, celui-là a été comblé d'un grand bienfait. Il a eu la réussite d'Allah. Subhanallah, l'a comblé de la réussite. Donc celui qu'Allah a comblé d'une croyance authentique, et d'une foi bien enracinée, et d'une véracité dans sa relation avec Allah, celui-là, quand il est placé, quand il fait face aux ambiguïtés, il se réfugie dans l'obéissance à Allah. Il demande à Allah d'être sauvé, et de lui épargner le dédale des ambiguïtés et le gouffre des ambiguïtés. Celui-là, Allah lui a donné la réussite. Quant à celui qu'Allah nous en préserve, quant à celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, qui se fait balayer par toute ambiguïté qui se présente à lui, ceci est un signe que la personne n'est pas véridique avec Allah. Ceci est un signe comme quoi la personne n'est pas véridique avec Allah. Ou il a une faiblesse dans sa véracité avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que se distinguent les gens en deux groupes. Le groupe du véridique et le groupe du menteur. Et celui qui est doué de raison et qui est digne du conseil pour lui-même, tient à sauver son âme. Et il l'a soumis à la législation d'Allah pour la sauver de la perte et de la destruction. Et la réussite, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la donne. Il comble avec qui il veut subhanahu wa ta'ala. قال عز وجل ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Il est dit dans cette traduction approximative du sens du verset, afin qu'Allah récompense les véridiques pour leur véracité et châtie s'il veut les hypocrites, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc frères en Allah, azzawajal, et sœurs en Allah, subhanahu wa ta'ala, vu l'importance de la véracité, il y a beaucoup de textes qui nous incitent à cette qualité et qui clarifient la place de cette qualité et qui montrent que le serviteur ne peut être sauvé qu'avec la véracité. Méditez cette parole d'Allah Azza wa Jalla dans ce verset. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin. La traduction approximative du sens du verset. Ô vous qui avez cru, préservez les droits d'Allah et soyez avec les véridiques. C'est-à-dire, mettez en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, abstenez-vous de ce qu'il vous a interdit et soyez avec les véridiques. Et ce verset contient l'ordre destiné aux serviteurs de préserver les ordres d'Allah azza wa jal et d'être avec les véridiques. Il ne peut être avec eux que s'il acquiert leur qualité. Et il met en application ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé et qu'il s'abstient de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. Et qu'il se conforme aux qualités de ces véridiques. Donc nous avons la description dans le Coran et dans la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Et dont les compagnons nous ont donné le meilleur des exemples après le messager alayhi salatu wassalam. Et cet ordre d'Allah est cité dans Surah Tawbah quand il est dit dans le verset « Ô vous qui avez cru, préservez les droits d'Allah et soyez avec les véridiques ». Ce verset, il est cité dans Surat le repentir, juste après que Allah subhanahu wa ta'ala a cité qu'il a accepté le repentir des trois nobles compagnons qui se sont absentés sans raison valable de la bataille de Tabouk. Et leur repentir n'a été accepté que parce qu'ils étaient véridiques avec Allah et avec son messager alayhi salatu wassalam. Ils n'ont pas menti au messager alayhi salatu wassalam pour leur absence. Hein? De la bataille du Tabouk, dont la véracité, donc la véracité est le la véracité sauve l'islam et le mensonge détruit la personne. Et rappelez-vous l'histoire des trois qui ont été enfermés par un rocher dans une grotte et leur histoire est relatée dans les authentiques. Ils étaient véridiques et sincères avec Allah et Allah les a délivrés de leur détresse. Nous devons, frères en Allah, azzawajal et sœurs en Allah, subhanahu wa ta'ala, faire très attention. Tous les œuvres apparentes peuvent être véridiques, ne peuvent être véridiques envers Allah, azzawajal, car la véracité avec Allah est quelque chose qui est dans le cœur. Donc il faut chercher. Qu'est-ce qu'on veut avec son œuvre? C'est-à-dire, il faut regarder dans son cœur. Est-ce qu'il est basé sur la véracité ou pas? Qu'est-ce qu'on cherche avec cet acte? C'est pour ça que ces trois, dans la grotte, chacun a dit, « Oh Allah, si j'ai fait cela pour avoir ta satisfaction, délivre-nous de la situation dans laquelle on est. » Donc la véracité, c'est quelque chose qui est ancré dans le cœur. Donc il faut qu'on regarde pourquoi j'ai fait cet acte. Et comment j'ai réalisé cet acte? Est-ce qu'il est conforme à la législation ou pas? La véracité est un secours pour le serviteur dans les fitaines, dans les catastrophes de ce bas monde et dans les difficultés qu'il rencontre dans ce bas monde et qu'il subit dans ce bas monde. La véracité, c'est quelque chose de très important. C'est un grand secours pour le soumis à Allah, Azza wa Jal. Et c'est une grande protection contre le fitan. Et c'est une grande aide dans les difficultés que subit la personne dans ce bas monde. Et c'est aussi, la véracité est un secours le jour de la résurrection, quand on se retrouvera devant Allah, Azza wa Jal. Qala Azza wa Jal, هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. Écoutez ce qui est dit dans le verset, méditez-le dans la traduction approximative du sens du verset. Voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils auront des jardins sur lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et eux ont agréé ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve. Voilà l'énorme succès. Donc frère en Allah, Azzawajal et sœur en Allah subhanahu wa ta'ala, l'entrée au paradis et avoir la satisfaction d'Allah Azzawajal, cela s'obtient par la véracité avec Allah et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce sens, le verset nous dit فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. La traduction approximative du sens du verset. Et quand l'affaire est décidée, il serait mieux pour eux, certes, d'être véridiques vis-à-vis d'Allah. Regardez. Et quand l'affaire est décidée, il serait mieux pour eux, certes, d'être véridiques vis-à-vis d'Allah. Et ceci est mieux pour eux. Hein? On voit bien que la réussite, le succès, le bonheur, tout cela est lié avec la véracité avec Allah. Les textes de la révélation sont nombreux dans ce sens. Et tout cela nous prouve l'importance de la véracité et l'obligation de s'en occuper et de lui donner l'importance, car la réussite dans ce bas monde et dans le-delà en dépend. Et parmi les choses qui nous prouvent l'importance de la véracité, c'est que la véracité est un pilier sur lequel s'accomplit le monothéisme. At-tawhid s'accomplit sur deux piliers principaux, la sincérité et la véracité. قال ابن القيم في نونيته والصدق والإخلاص ركن التوحيد كالركنين للبنيان. Ibn al-Qayyim dans sa nounia a dit: la véracité et la sincérité sont deux piliers du monothéisme, comme les deux piliers principaux de la construction. Le monothéisme s'accomplit sur la sincérité et la véracité. La différence entre les deux, la sincérité, c'est unifier le but, accomplir les actes exclusivement pour Allah. Quant à la véracité, c'est unifier la volonté, en réunissant le cœur et la résolution à être fidèle à l'adoration et à la parfaire. Donc, la sincérité, c'est l'unification du but, c'est-à-dire que le culte soit réservé exclusivement pour Allah. Et la véracité, c'est l'unification de la volonté, être fidèle à l'adoration d'Allah et l'accomplir comme il se doit et comme il a été demandé. Dans ce sens, ابن القيم a dit dans sa nounia, فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان. Traduction approximative de ce poème: pour un sois sincère, c'est-à-dire pour un qui est Allah, sois sincère et véridique, sois sincère et véridique dans le suivi. Ces trois, la sincérité, la véracité, le suivi, c'est le pivot de la réussite. Et ce sont les piliers sur lesquels s'accomplit la foi. Que tu sois pour un qui est Allah, c'est-à-dire que tu sois sincère pour Allah, et que tu lui donnes aucun associé, et que tu sois unique dans ton aspiration et ta résolution et dans tes efforts et ta véracité pour Allah. Tu sois. Et que tu sois dans un, c'est-à-dire sur le chemin de la vérité et de la foi, qui est le suivi. Donc dans ce poème sont réunies trois choses essentielles: la sincérité pour Allah, le suivi du messager alayhi salatu wassalam et la véracité dans tout ça. Ces trois choses, l'être avec ces trois choses, la sincérité, le suivi, la véracité, l'être obtient le bonheur, le succès et le fait d'être sauvé dans ce bas monde et dans le delà. C'est pour ça que la véracité, c'est le frère siamois de la sincérité. Ils sont inséparables. Médite comment ils sont cités dans ce verset. قال عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Dans la traduction approximative du sens du verset, il est dit: abstenez-vous de la sueur des idoles et abstenez-vous des paroles mensongères. S'abstenir de la sueur des idoles, c'est faire preuve de sincérité et de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. S'abstenir de zour, c'est s'éloigner des paroles mensongères. Donc c'est être véridique. Et dans ces deux choses, il y a la réussite et le succès de la personne dans ce bas monde et dans le delà. Et la parole de l'unicité, la ilaha illallah, qui est la fondation du bonheur et du succès dans ce bas monde et dans le delà, n'est acceptée de celui qui l'a dite qu'avec la sincérité et la véracité. Ce sont deux conditions pour l'acceptation de cette parole. Dans l'authentique de l'Bukhari, rahimahullah, Abu Huraira radiallahu anhu, a dit, rapporte que le messager d'Allah a dit: ceux qui vont être les plus heureux par mon intercession le jour de la résurrection, ce sont ceux qui ont dit la ilaha illallah sincèrement de leur cœur. Hein? La sincérité. Il l'a dit avec sincérité. Et dans les authentiques chez l'imam Bukhari, chez l'imam Muslim, le hadith de Mu'ad ibn Jabal, où le prophète a dit: quiconque atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah véridiquement de son cœur, Allah l'interdit au feu. Regarde. Pour être comblé de l'intercession du messager alayhi salatu wassalam le jour de la résurrection, il faut que cette parole de l'unicité soit dite avec sincérité, avec la sincérité du cœur. Et pour ne pas être touché par le feu, il faut être dite aussi avec la véracité. Donc ce sont deux choses inséparables. La sincérité et la véracité. Dans le premier hadith, il a mis comme condition la sincérité. Et dans le deuxième hadith, la véracité. Celui qui n'est pas sincère avec la ilaha illallah, c'est un associateur. Et celui qui n'est pas véridique avec la ilaha illallah, c'est un hypocrite. Comme il est dit dans le verset: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. La traduction approximative du sens du verset: quand les hypocrites viennent à toi, ils disent: nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Donc, frère en Allah, Azza wa Jal, le fait que le serviteur prononce la ilaha illallah, cette noble parole, cette prononciation doit prendre source d'un cœur véridique pour qu'il soit accepté par Allah, pour que la personne soit parmi les gens de la ilaha illallah véridiquement. Si la personne ne la dit pas avec un cœur véridique et qu'il la prononce juste, comme ça, avec sa langue, il ne lui sera d'aucune utilité et il ne sera pas parmi les gens de la ilaha illallah. Il est obligatoire la véracité dans la ilaha illallah. Et les gens sont deux groupes. Un menteur qui dément et un véridique qui certifie la véracité et l'atteste. Et il est dit dans le verset: فَمَنَ ظَلَمُ مِمَّنْ فَمَنَ ظَلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِالصِّدْقِ جَاءَ أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. Donc regarde, les gens ils sont deux catégories. Comme il est stipulé dans ce verset, dont la traduction approximative nous dit ceci, qu'il pire injuste, donc, celui qui ment contre Allah et qui traite de mensonge la vérité qui lui vient, n'est-ce pas dans l'enfer qu'il y a un refuge pour les mécréants? Tandis que celui qui vient avec la vérité et la confirme, ceux-là sont les pieux, sont ceux qui ont préservé les droits d'Allah. Ils auront tout ce qu'ils désireront auprès de leur Seigneur. Voilà la récompense du bienfaisant. Donc, Allah Azza wa Jal a cité que les gens sont deux groupes véridiques qui viennent avec la vérité et qui confirment cette vérité, et le menteur qui dit ment la vérité et qui ment sur Allah. Et le véridique qui vient avec la vérité et la confirme, c'est celui dont la science et les œuvres sont saints et purs et conformes. La bonne science, c'est la confirmation de la vérité. La science authentique, c'est la confirmation de la vérité. Et les bonnes œuvres, c'est le fait de venir avec la vérité et d'accomplir la vérité. Partant de là, on sait que l'être véridique avec Allah, partant de là, on sait que être véridique avec Allah, c'est une adoration du cœur qui doit apparaître sur les membres du corps. Comme il est demandé au cœur d'être véridique, il en est de même pour la langue et pour les autres membres du corps. Et pour que le cœur se qualifie de véridique, il en est de même pour la langue et pour les autres membres du corps. Hein? C'est-à-dire, il faut que le cœur soit habité par la véracité pour qu'il soit qualifié de véridique. Ben, il en est de même pour les membres du corps, que ce soit la langue, soit qu'on véridique, qu'on soyons véridiques dans ce que nous disons, et aussi nos membres, qu'ils soient véridiques dans ce qu'ils accomplissent. Qu'ils accomplissent que le bien, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Quant au fait de qualifier les membres du corps de véridique ou de menteurs dans le hadith authentique, et nous avons un hadith authentique qui qualifie les membres du corps, les mains, les pieds, les yeux, etc., qui les qualifient de véridiques ou de menteurs. Dans le hadith authentique, le messager d'Allah a dit, il est transcrit aux descendants d'Adam sa part d'adultère. Il y tombera sans aucun doute. Les yeux commettent l'adultère. Et l'adultère des yeux, c'est le regard. Les oreilles aussi. Et leur adultère, c'est l'écoute. La langue aussi, et l'adultère de la langue, c'est la parole. Et l'adultère de la main, la brutalité, et l'adultère des pieds, la marche. Marcher vers les lieux où il ne faut pas. La langue, c'est dire n'importe quoi. Et le cœur émet des envies et des souhaits, et les parties intimes vont donner la véracité ou démentir tout cela. Regardez. Donc il a qualifié les membres du corps par la véracité ou le mensonge. Les parties intimes vont donner la véracité à cela ou le démentir. C'est pour ça que les œuvres sont deux sortes d'œuvres. Des œuvres véridiques et des œuvres mensongères. Et quand les savants disent que la véracité sauve et que c'est un secours, cela veut dire que le serviteur doit sauver. Que le serviteur, pour être sauvé par la véracité du cœur, pour être sauvé par la véracité du cœur, par la croyance, c'est-à-dire par une croyance véridique, authentique, et être sauvé par la véracité de la langue, c'est-à-dire par la prononciation, le fait d'être véridique dans ce qu'on prononce, et être sauvé aussi par la véracité, par ses membres, par les actes. Hein? Les bons actes qu'on doit accomplir avec ses membres. Donc, que ce soit le cœur, que ce soit les membres, que ce soit la langue, tous ils doivent être véridiques. Hein? Ils doivent accomplir ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait obligatoire d'accomplir, s'abstenir de ce qu'il nous a interdit. Et médite cela dans le sens de ce verset qui est connu chez les savants par le verset de la bonté pieuse. قال عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Écoute bien ce verset, regarde et médite-le. Il revient à la lecture de ce verset dans Sourate Al-Baqarah et à son interprétation. Tu verras beaucoup de choses concernant la véracité et les qualités de ceux qui sont véridiques. Regarde ce que nous dit le verset dans sa traduction approximative du sens du verset. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes, de donner de son bien quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs, indigents, et à ceux qui demandent l'aide, et pour délier les jocs, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, dans la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques, les voilà les vrais pieux. Regarde toutes ces qualités, et regarde qu'est-ce qu'il a dit à la fin, les voilà les véridiques, ce sont ceux-là les véridiques, et les voilà les vrais pieux, voilà ceux qui préservent les droits d'Allah. Quand tu médites à l'islam, ces qualités citées dans ce verset de ceux qui sont véridiques, tu vois que ces qualités reviennent à deux choses. L'authenticité de la croyance et l'accomplissement des œuvres. Et partant de là, il nous appartient clairement. Il nous apparaît clairement que la véracité avec Allah, c'est une science. Ce sont des œuvres, c'est des croyances, c'est une législation. La véracité avec Allah, ce n'est pas quelque chose dans le cœur tout simplement. La véracité avec Allah, ce n'est pas seulement quelque chose dans le cœur qui n'apparaît pas sur la langue et qui n'apparaît pas sur les membres du corps. Et ceci c'est clair dans la parole de notre messager alayhi salam, quand il a dit alayhi salam, dans le corps il y a un morceau de chair, s'il est bon, tout le corps le sera. Et s'il est mauvais, tout le corps le sera, c'est le cœur. Donc tout vient du cœur. Hein? Mais cela ne suffit pas que ça reste tout simplement dans le cœur. Il faut que ça apparaisse dans ce que nous disons. Et que ça apparaisse sur notre langue, et ça apparaisse sur les membres de notre corps. Ce que nous accomplissons avec les membres de notre corps. Il faut que tout ceci émane de la législation d'Allah. Il faut que nous accomplissions ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Et on s'abstient de ce qu'il nous a interdit. Et voyez l'importance du cœur. C'est pour ça qu'il est très important pour nous de donner l'importance au cœur. Et de voir qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. De faire des checking de notre intérieur. Voir où sommes-nous de la sincérité. Où sommes-nous de la véracité. Où sommes-nous de la patience qui émane du cœur. Où sommes-nous du repentir, dont le départ c'est le cœur, et ainsi de suite. Nous devons faire tout le temps ces calculs avec nous-mêmes. et voir qu'est-ce qu'on veut avec notre acte. Est-ce que notre acte est fait conformément à ce que veut, à ce que nous demande Allah subhanahu wa ta'ala et à ce que nous a enseigné le messager alayhi salatu wa salam. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في الأقوال وفي الأعمال وفي الاعتقادات ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبت المهاجرين منا على هجرتهم في بلاد الإسلام وأن يخرج إخواننا من بلاد الكفر سالمين غالمين وأن يرفع عن أمة الإسلام هذا الوباء إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.